Oh, Nessia, chaque jour, le jour se lève. Chaque histoire commence par une majuscule. À chaque jour succède son homme et puis son crépuscule. À la salle, et chaque compte a son grain de sable. Les orages entre des rayons portent aux ombres leur grisaille sur terre. Et tant qu'elle a soif de tristesse, tu dis ces deux dont elle se désaltère. À la pluie des instants mauvais, chacun de nous guette. Les monnaies, puis les paroles et les actes qui finissent par ce qu'on les regrette. Le soir, on se refait l'histoire. Vainqueur ou vaincu, captif, ne sois pas la morale quant aux batteurs. La punition tombe, le monde face à son miroir s'horrifie. L'homme là-bas est mauvais quand l'homme fond, ici sera défi. L'indice de l'or a jamais plus précieux qu'un indice de l'air. Je tourne sans qu'on pense jamais à les réécrire. Autant qu'on tire vers le bas, pensant que le simple meilleur est plus mauvais que le bien pour pire. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des bilans faits, ne pas redonner espoir. Chaque jour succède à chaque chat. Le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des bilans faits, ne pas redonner espoir. Et chaque jour succède à chaque soir. De voir l'y enlever. Mais quand je le tente, les rayons du nouveau jour caressent ma lune. Comme pour me dire que passer la nuit, si je regarde, je verrai encore plus proche mon but. Me battant dans la ruche, comme tout à chacun dans la lutte. Quand tu regardes à la louche, je peux réussir, mais trop peu, c'est donne-toi tes chances si tu chutes. Pour que d'un regret, ton crépuscule s'achève. Car à chaque nuit succède, chaque jour, et à chaque jour, une nouvelle eau qui se lève. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des bilans faits, pas à redonner espoir. À chaque chat, le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des mille en flèche, ne pas redonner à toi. Et chaque jour succède à chaque la soir. La rage du corps, le mort dans la mort rigole, l'orage est dans cette manche, elle sera chaque bougie, rappelant qu'un palpable est la victoire, le désespoir. Et la serpent de sable, tu pire qu'elle abri, et tu enfuis, brille pour que l'or brille. Le lendemain, affrontant les premières lueurs, brille comme pour une dernière. Tu sais que les rêves partent en fumée, les récompenses partent en sueur. La bataille ne sera gagnée que le jour suivant, ou celui qui lui succédera encore fuyant. Ou celui qui viendra encore après. Peut-être si loin quand tu l'oublies et toujours silent. Mais finalement quand tu y crois, peut-être si près. Car chaque jour pour atteindre mes rêves, comme à le soleil je me relève. Chaque jour, le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des bilans flèves, ne pas redonner espoir. Et chaque jour succède à chaque chat. Le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des bilans flèves, ne pas redonner espoir. Et chaque jour succède à chaque chat. Le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des bilans flèves, ne pas redonner espoir. Et chaque jour succède à chaque chat. Le jour se lève, immuable, au-dessus des immeubles, sous le gris, au-dessus des nuages. Et le soir, la tristesse, à l'heure des bilans flèves, ne pas redonner espoir. Et chaque jour succède à chaque soir. À tes clics, oh, Axis, FK.